Chapitre 24e, sombre et blanc. Sur la route du front de mer, un vieillard, traversant la route de manière imprudente, rappelle Karim à la réalité présente. Au volant de sa voiture, il freine brusquement, évitant de heurter le passant. Celui-ci s'immobilise, très embarrassé. « Pardonne-moi, » ou lui dit, « mon enfant. » dit-il à Karim, « pardonne-moi, je ne vois pas bien. »« Pas de quoi, Bouya. » « Père, » le tranquillise l'interpellé, « fais attention à traverser sur les passages pour piétons, et même dans ce cas, fais-toi aider par une personne ayant une bonne vision. » « Tu as raison, tu as raison. » Poursuivant le parcours le long du boulevard, Karim arrive tout au fond, près d'un nouveau parc. Il stationne sa voiture et s'engage dans le jardin. Il est presque désert. Karim cherche Zahra. Une femme voilée en noir s'approche de lui et le regarde. Il la reconnaît à ses yeux. En attendant son ami, Zahra avait déjà repéré un coin discret, d'où elle pouvait contrôler tout l'environnement. Désormais, elle était consciente d'être surveillée par la police, peut-être aussi par son frère. Elle indique à Karim le banc situé à l'endroit choisi par elle. Les deux y vont et s'assoient. Karim note avec amabilité. « Tu as choisi un lieu bien isolé ?»« Oui, » répond-elle. « Tu sais bien que chez nous, non seulement les murs ont des oreilles, mais tout espace public a des yeux et des oreilles, bien dissimulés. » Elle lui raconte leur voyage en autobus, dont son frère avait été informé. Elle conclut. « Cela ne pouvait être qu'une voisine, se trouvant dans l'autobus et voilée, donc pas reconnaissable par moi, qui nous aura vus. » Puis en informa ma mère. Karim commente. « Décidément, le voile ne sert pas uniquement à cacher un corps, mais permet d'espionner aisément. » Cette remarque provoque un pincement en Zahra, inaperçu par Karim. Le siège où sont assis les deux amoureux clandestins est sous un bel arbre aux larges branches portant de jolies feuilles vertes. Tout près, atterrissent de petits étourneaux. Ils sautillent joyeusement ensemble en cherchant quelque chose à picorer. À leur vue, Zahra baisse le voile sur son visage. Il s'illumine d'un tendre sourire. Karim, à son tour, contemple le couple d'étourneaux. « Tu te connais en oiseau ?» demande-t-il. « Non, leur plumage m'attire. Il est sombre, mais tacheté de blanc. » Elle se tait quelques secondes, puis précise. « Ce plumage me semble pareil à notre situation. Beaucoup de sombre, mais aussi un blanc qui nous permet d'être ici. Explique-toi mieux, » sollicite Karim. Alors Zahra confie le projet de voyage syrien, formulé par son frère Abdelkader. À la fin, elle pose l'angoissante question. « Comment faire pour l'en dissuader ?» Un long et très profond soupir de tristesse est la première réaction de Karim. « Il ne manquait plus que ça, » se dit-il à cette malheureuse fille. Il lui demande. « Le travail que j'ai proposé, tu en as parlé à ton frère ?»« Oui, il le refuse. » Karim reste silencieux. Il détourne les yeux vers le sol, puis raisonne. « Je crains, » se dit-il, « que ces décisions du frère aient la gravité d'un cancer. » Et avec les fatales métastases, il regarde de nouveau Zahra et déclare « J'ai besoin de temps pour y réfléchir. Le temps presse, note Zahra. Mon frère pourrait partir d'un jour à l'autre. C'est une course contre la montre. » Les deux jeunes gens, désemparés, ne savent plus quoi dire. Pour permettre à son cerveau le maximum d'activité, Karim baisse de nouveau la tête vers le bas. Il cherche une solution pour le frère de son aimé. Cette dernière en profite pour contempler le profil du visage de son voisin, désormais précieux à son cœur. Très vite, une forte sensation envahit Zahra. Elle sent le besoin d'enlacer Karim, de se serrer contre lui. C'est la première fois dans sa vie qu'elle éprouve une telle impulsion. La jeune femme voudrait la concrétiser. Une étrange peur la dissuade. Zahra remarque un léger, rapide tremblement nerveux de ses mains. Elles veulent agir, aller vers le corps de Karim. « Non ! Oh non !» Pour surmonter son agitation, elle dirige les yeux vers le couple d'oiseaux. Elle contemple leur joli sautillement, accompagné de joyeux gazouillements. Après quelques secondes, elle soupire en elle-même. « Ah, si nous étions des oiseaux, quel bonheur !»